j'irais voler la fortune si tu me la demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, de ma part, si tu m'aimes, par moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on se... It was Daniel Kisha with Mon Vieux, then Daniel Balavoine with Mon Fils, Ma Bataille, and Edith Piaf with Hymne à l'amour. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now, number 10, we have Céline Dion from Quebec, and the name of the song is Pour que tu m'aimes encore, and it's from her album Deux. And deux, in this case, based on the spelling, is not the number two. It means from them. And it's an album that was done in collaboration with Jean-Jacques Goldman. And it means for you to still love me. Then we're going to listen to Georges Brassens, number 11, with Les Amoureux des Bancs Publics, the lovers on the public benches, realizing it's the best time of their life they're living. And Stromae, who's originally from Belgium, with Formidable. Wonderful, and it's from his album Racine Carrée from 2013, and he sounds like he's a little bit drunk and he's talking about his success and failures, and he's doing this play on word between formidable and forminable, and minable is a loser. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appellasse, les amours s'y passent. Faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer, m'attirer, toucher. Fallait pas t'en donner, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui